Puis tout à coup, levant l'index, elle lui montra le cadran de la pendule. Madame de Latour-Ménil vit qu'il marquait 3 heures. Une sorte d'étrange sourire crispait les lèvres de Jeanne. Elle prit le bras de sa mère et se promena lentement avec elle, sans parler. Elle soupirait de temps à autre profondément. Au bout de quelques minutes, « C'est probablement fini à l'heure qu'il est, » dit-elle, « car dans ces choses-là, on est très exact, et cela dure très peu de temps, dit-on. Mais ce qu'il y a d'affreux, c'est que nous ne saurons rien avant 2 ou 3 heures d'ici. J'ai fait une chose, ma mère, que vous n'approuverez peut-être pas. Mais à qui pouvais-je m'adresser pour avoir des nouvelles? Je ne pouvais pas les attendre jusqu'à demain, car M. de Montrescan naturellement ne m'écrira pas. Alors j'ai prié Louis, le vieux domestique de M. de Lerne, qui a suivi son maître là-bas, de m'envoyer une dépêche ce soir, aussitôt que cela se pourrait. » Madame de Latour-Ménil, accablée, ne répondit que par un signe de tête indécis. En ce moment, elles entendirent sonner dans le vestibule le timbre qui correspondait avec la loge du concierge. Comme la porte de l'hôtel avait été rigoureusement condamnée depuis le matin, cette annonce d'une visite parut singulière. « Déjà ?» murmura Jeanne en s'approchant vivement d'une fenêtre qui s'ouvrait sur la cour. « Déjà ? C'est impossible !» Elle écarta le rideau et reconnut dans le personnage qui montait l'escalier du perron un professeur d'escrime, ou plutôt un prévôt de salle nommé Lavarède, qui avait coutume de venir 3 fois par semaine faire des armes avec le baron de Montrescan. Très jaloux de son habileté en escrime, Monsieur de Montrescan, tout en fréquentant assidûment la salle d'armes, aimait aussi à s'exercer chez lui, peut-être pour ne pas livrer au public tous les secrets de son jeu. L'apparition de cet homme, au milieu des pensées qui occupaient Jeanne et sa mère, les étonna et les alarma. Elles s'interrogeaient à demi-voix avec inquiétude quand un domestique se présenta à la porte du salon. « Madame, dit-il, c'est Monsieur Lavarède, le prévôt, qui ne savait pas que Monsieur le baron fût en voyage. Il demande si Monsieur le baron sera longtemps absent et s'il faut qu'il revienne lui-même après-demain pour la leçon d'armes. » « Dites que je ne sais pas, » répondit Jeanne. « On le fera prévenir. » Le domestique sortit. Après quelques secondes de réflexion, la jeune femme le rappela. « Auguste, » dit-elle d'une voix brève, « je désire parler à Monsieur Lavarède. Faites-le entrer dans la salle à manger. Je descends. » Alors, se retournant vers Madame de Latour-Ménil, « Venez avec moi, ma mère. Je veux dire 2 mots à cet homme. » Et puis nous irons au jardin. L'air nous fera du bien. Il fait très beau d'ailleurs. Venez. » Elles descendirent en se donnant le bras et trouvèrent dans la salle à manger un homme d'une 40aine d'années qui avait la tenue raide et correcte d'un militaire en habit civil. « Monsieur, lui dit Madame de Montrescan d'une voix un peu hésitante, j'ai désiré vous parler. Mon mari est parti ce matin pour la Belgique. « Vous paraissez ignorer la cause de ce voyage. »« Oui, madame, je l'ignore. »« Les domestiques ne vous ont rien dit ?»« Non, madame. »« Ils l'ignorent peut-être même. Tout cela est arrivé si vite. »« Eh bien, monsieur, la cause de ce voyage, vous la soupçonnez, vous la devinez certainement au trouble affreux où vous nous voyez, ma mère et moi. À l'heure même où je vous parle, monsieur de Montrescan se bat en duel. » Le prévôt ne répondit que par un léger mouvement de surprise et par un grave salut. « Monsieur, reprit Madame de Montrescan, dont la parole était en même temps brusque et embarrassée, monsieur, vous comprenez nos angoisses. Ne pouvez-vous rien dire pour nous rassurer ? Pardon, madame, puis-je savoir quel est l'adversaire ? L'adversaire est le comte de Lerne. Oh, dans ce cas-là, madame, dit le prévôt avec un léger sourire. « Je crois que vous pouvez être bien tranquille. » Jeanne regarda fixement son interlocuteur. « Tranquille ? Pourquoi ça ? » dit-elle. « Monsieur le comte de Lerne, madame, reprit le prévôt, est un des habitués de notre salle. Il l'était, du moins. Je connais parfaitement sa force. Il tirait assez bien, et il y a eu un temps où il aurait pu lutter avec monsieur le baron. Mais depuis qu'il a été blessé au bras dans son duel avec monsieur de Montélin, il a beaucoup perdu. Il se fatigue très vite, et il n'est pas douteux pour moi que monsieur le baron n'en ait facilement raison. Je pense donc que madame peut être tranquille. « Alors, dit Jeanne après une pause, vous croyez qu'il va tuer monsieur de Lerne ?»« Oh, le tuer, j'espère que non, mais certainement il le blessera ou il le désarmera, ce qui est le plus probable, du moins si la querelle n'est pas trop sérieuse. » « Mais enfin, monsieur, reprit la jeune femme en balbutiant, vous croyez, vous êtes sûr que je n'ai rien à craindre pour mon mari, qu'il ne peut être blessé, lui ?»« J'en suis persuadée, madame. »« C'est bien, monsieur, je vous remercie. Je vous salue, monsieur. » Elle le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il fût sorti, puis saisissant la main de sa mère. « Ah, ma mère, dit-elle d'une voix étouffée, je sens que je deviens criminelle. » Les portes-fenêtres de la salle à manger s'ouvraient de plain pied sur le jardin de l'hôtel. La mère et la fille y entrèrent et s'assirent côte à côte sur un banc, entourés d'une haie de lilas déjà verdoyant. À peine assises. « Mais, ma mère, reprit Jeanne, d'après ce que dit cet homme, si on le tuait, ce serait un véritable assassinat. « Ma fille, chérie, je t'en prie, calme-toi, tu me fais tant de mal. D'ailleurs, je t'assure que ce qu'a dit cet homme est plutôt fait pour nous donner bon espoir, car enfin, ton mari n'est pas un monstre, et entre gens d'honneur, il y a des choses impossibles. Si réellement monsieur de Lerne est resté souffrant, fatigué de son bras. « Oui, dit Jeanne, je m'en suis aperçue plus d'une fois. Eh bien, poursuivit madame de la Tourménil. « Ton mari l'aura remarqué, certainement, et il se sera contenté de le désarmer. Oh, « Ma mère, il le hait tant. Il nous hait tant, tous deux. Et puis il n'est pas bon. Il est méchant. » Cependant, elle s'attacha à cette pensée, à cet espoir, que sa mère lui suggérait. Oui, c'était assez vraisemblable, en effet. Monsieur de Morescan, après tout, était homme d'honneur, comme le monde l'entend. Il ne voudrait pas abuser de l'inégalité des forces. Et puis, pendant le voyage, il se serait rappelé tout ce que sa femme lui avait dit la veille. Il aurait réfléchi avec plus de sang-froid. Il serait arrivé presque convaincu de son innocence. À demi apaisé, moins avide de vengeance. Elle sentait aussi, dans tout ce qui l'entourait, une influence bienfaisante, calmante. Elle la sentait dans le silence de ce jardin aux grands murs de cloître, dans l'air pur et dans le ciel bleu, dans les odeurs de la verdure nouvelle, dans la douceur d'une belle journée à son déclin. L'imagination ne peut que difficilement associer des idées de violence et des scènes de sang à la sérénité charmante et impassible de la nature. Et il semble à ceux qui respirent la paix de la campagne ou des jardins que la paix doit régner partout, comme elle règne autour d'eux. Le temps passait d'ailleurs, et n'apportant aucune émotion nouvelle, laissait s'épuiser à demi les émotions anciennes. Jeanne et sa mère, se tenant la main sans se parler, éprouvaient toutes deux, après les agitations aiguës de la journée, une sorte de torpeur presque douce.